marche entre les carcasses rouillées. Le sable me caresse comme une amante oubliée. Les murs tombés murmurent mes secrets. Et la chaleur soigne des tôles trouées. Les étoiles ont filé, les rêves aussi. Le vent apporte des chants d'oubli. Sous ce ciel qui pleure, ces dernières pluies, je me perds, mais je ne fuis. Le canon dort sur mon épaule, il a vu plus de baisers que de balles. Chaque pas sur cette terre folle résonne comme une valse bancale. Les cicatrices parlent mieux que les mots. Dans cette guerre où tout est chaos, elle danse même si le monde implose. Et moi je suis là à boire ses proses. Take me back to your bunker bed, rusty kisses. Planter une rose dans la ferraille, elle a fané, mais elle sentait le feu. Une note jazz dans une bataille, une femme nue dans un champ silencieux. Elle rit même quand les bombes éclatent. Ses yeux brillent, même si tout se dilate. Je lui chante des promesses ébréchées dans ce désert où tout est brisé. J'ai vu l'amour dans une vie rouillée, un cœur cloué sous un établi, la peau couverte de poussière brûlée, mais nos soupirs coupaient l'ennui. Chaque geste est un cri silencieux dans cette nuit sans fin. On s'accroche aux ombres du passé, même si l'avenir est effacé. Je l'ai trouvée. partage nos blessures à moitié guéries, nos secrets dans des baisers volés en sursis. Le monde s'effondre, mais sous la poussière, nos cœurs battent légers comme la lumière. Take me back to your bunker bed. Rusty kisses, nothing's dead. Les murs tremblent quand elle soupire, même les rats s'arrêtent de fuir. Je suis un roi sans royaume, sans armure, mais j'ai son souffle et ça me rassure. Chaque nuit on refait le monde cassé, dans ce bon cœur où tout est. Nos corps s'en mêlent dans s'apaiser comme un dernier feu avant la tombée. Elle me peint des ciels avec ses